frérot, j'ai enfin trouvé celle que je cherchais depuis toutes ces années. D'une beauté inégalable, un corps de déesse, un cœur si pur et vrai. Mais je crois qu'elle a la tête ailleurs, comme si elle me cachait quelque chose. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Je l'ai croisée, elle a des courbes insolentes. Elle m'a envoûtée, je suis troublée. Je suis tombé dans ses filets. Je crois qu'elle a la tête ailleurs, comme si elle me cachait quelque chose. Balaye devant ta porte, tu penses faire une belle rencontre. Tu peux...